qu'est-ce que ce type a fait au bon Dieu? Pour écoper d'une femme pareille. Il était tranquille, il avait des amis, la vie était belle. Et puis il a rencontré, elle a écarté les jambes. Et pour une minute de plaisir, il a foutu sa vie en l'air. Les femmes ont pu en faire chier. Des hommes comme nous, des hommes comme nous. Elles sont là, elles sont belles, elles sont formidables. À condition de ne pas vivre avec. À ce que les femmes ont pu en faire chier. Des hommes comme nous, des hommes comme nous. On essaye, on essaye, on a l'illusion. Mais on est juste con à se rentrer dedans. Mais comme c'est bien du cul. Mon grand-père disait souvent, une bonne branlette vaut mieux qu'un mauvais mariage. J'ai toujours pensé qu'il avait raison. Eh oui. Des hommes comme nous, des hommes comme nous. Elles sont là souriantes à guetter la faute. Comme un arbitre avec son carton jaune. À ce que les femmes ont pu en faire chier. Des hommes comme nous, des hommes comme nous. C'est comme ça que s'accumulent les couples merdeux. Distribuent de 22 kilomètres. Elle danse, c'est bien du cul. Mamma mia l'église. Il a dit oui, il sera sûrement cocu. Mamma mia l'église. Il a dit oui. Mon grand-père disait toujours, une bonne branlette vaut mieux qu'un mauvais mariage. J'ai toujours pensé qu'il avait raison. Yeah. J'ai toujours pensé qu'il avait raison. J'ai toujours pensé qu'il avait raison. J'ai toujours pensé qu'il avait raison. J'ai toujours pensé qu'il avait raison. Eh oui. J'ai toujours pensé qu'il avait raison.